On a sucé ses têtes, on a bu tout salé. Avec cette femme manette, on a bien rigolé. Elle a sucé ma wesh, elle a tout dégueulé. La la la. Wisha, wisha, wisha, wisha. Bien joué avec mon wisha. 5 minutes, c'est pas longtemps. Et puis ma wish, il sera content. Wisha, wisha, wisha, wisha. Bien joué avec mon wisha. 5 minutes, c'est pas longtemps. Et puis ma wish, il sera content. Avec une femme à l'aide sur la barricade. On a sucé ses têtes, j'en ai bu tout salé. Avec j'ai pas mal avec sur la marie. Elle a sucé ma wish, elle a tout dégueulé.